C'était il y a exactement 60 ans, presque au jour près. Des individus barbus et rigolards, vêtus de treillis verts défraîchis, descendaient de la montagne et investissaient tranquillement la première ville du pays, tandis que les troupes gouvernementales se débandaient et leur abandonnaient le terrain. La révolution cubaine était victorieuse et quelques jours plus tard, un grand barboudeau, un cigare perpétuellement planté entre les lèvres, commençait une marche triomphale qui le conduirait une semaine plus tard dans les rues de la Havane. Il y a 60 ans donc. Et Fidel Castro, bien qu'affaibli par la maladie, est toujours là, même s'il a confié le pouvoir à son demi-frère Raoul. Un vrai record de longévité donc pour ce dictateur qui a soulevé autant de haine que de ferveur. En effet, la tyrannie et les crimes de Fidel Castro ont été impuissants à effacer totalement le halo de romantisme révolutionnaire qui a auréolé la victoire des barboudos cubains. Les raisons en sont multiples, à commencer par le fait qu'il était tentant de prendre le parti du faible, Cuba, qui osait résister aux puissants, c'est-à-dire les États-Unis, sans compter l'anti-américanisme latent qui demeure sur le vieux continent. Mais il y avait aussi dans les milieux de gauche l'agréable surprise de découvrir des dirigeants révolutionnaires qui n'étaient pas engoncés dans les lourds pardessus gris des caciques du Kremlin. Ajoutez à cela la gaieté naturelle de la musique cubaine et vous avez tous les ingrédients qui ont trop longtemps mystifié l'opinion et dissimulé les dévoiements de cette joyeuse révolution tropicale. Parmi les héros de cette aventure commencée de façon si romanesque, se trouvait aux côtés de Castro et Guevara un personnage singulier, peut-être même encore plus populaire que ces deux derniers hommes, Camilo Cienfuegos. Un héros qui n'aura cependant vécu que les premiers mois de la Révolution, car il a péri en octobre 1959 dans un mystérieux accident d'avion. Mais s'agissait-il vraiment d'un accident ? Monsieur X a son idée. Mama teach me to dance. Mama que re baila. Mama teach me to dance. Mama que re baila. Think of all the fun you had when you and Dad would cut a rug, then you'd kiss, then you'd hug. Mama show me the way. Mama enseñale. How to sway when they play. How to sway when they play. If I knew a step or two the same as you, I'd have a chance for romance at a dance. Suppose I meet somebody very sweet. If he says, ooh, I would love to dance with you. What do I do? Mama, teach me to dance. Cha-cha, and sing your name. Once I learn how to dance. You can leave the rest to me and never fear. You're gonna hear wedding bells, mama dear. Mama quiere bailar. Mama quiere bailar. Teach me to dance. Cha-cha, and sing your name. Once I learn how to dance. How to swing when they play. You can and leave the rest to me. And never fear, you're gonna hear Mama D. Avant même d'avoir des soupçons à propos de la mort de Cienfuegos, j'ai été intrigué par quelques lignes écrites par le Che dans la préface de son ouvrage sur son expérience de la guérilla. Une préface tout entière consacrée à un hommage à Cienfuegos, que le peuple cubain appelait simplement Camilo. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous en donner lecture, mais rassurez-vous, ça sera bref. Hein. Alors, attendez. Alors, Guevara écrit d'abord ceci. Il ne faut pas imaginer Camilo comme un héros de légende réalisant de merveilleux exploits sous la seule impulsion de son génie. Il faut le voir comme l'émanation du peuple qui l'a formé, de même qu'il forme ses héros, ses martyrs, ses chefs, dans l'immense sélection de la lutte et de ses conditions rigoureuses. Bon, ça, c'est un hommage relativement conventionnel. Hein. Oui, ouais, enfin, ouais. Soudain, dans son texte, le Che pose cette terrible question. Qui l'a tué ? Et il enchaîne ainsi. Nous pourrions plutôt nous demander qui a éliminé son être physique, car la vie d'homme comme lui a son prolongement dans le peuple. Elle ne s'achève que lorsque le peuple en a décidé ainsi. Ça mérite en effet une explication, parce que c'est quand même pas le peuple qui l'a tué. Ah, bien évidemment. Alors, qu'a voulu dire exactement le Che ? Ah, exactement, bah, je ne sais pas, mais on peut risquer une hypothèse. En évoquant le peuple, le Che aurait pu désigner ce qui pour lui était l'émanation du peuple, c'est-à-dire le pouvoir révolutionnaire. Toutefois, je dois à la vérité de dire que dans les lignes qui suivent, Guevara met en cause la fiabilité des avions et des pilotes et aussi, assez bizarrement, la témérité de Cienfuegos. Il n'empêche que ce texte est très troublant. Cependant, bon, je ne peux pas aller plus loin dans ce commentaire de texte. Ouais, quand même, très intéressant. Hein. Alors, à commencer par me dire qui était Camilo Cienfuegos. Je crois, et vous comprendrez mieux, qu'il faut d'abord parler de son aspect physique. Avez-vous déjà vu des photos de lui ? Je crois, mais enfin, il y a quand même assez longtemps. Hein. Bon, Cienfuegos, grand, mince, barbu comme tous ses compagnons, il avait de la gueule, si j'ose dire, toujours coiffé d'une sorte de chapeau de cow-boy. Camilo était incontestablement séduisant. Et un grand nombre de Cubaines ne s'y sont pas trompés. Oui, c'était un homme à femme, quoi. Oui, oui, un mujeriego, comme on dit à Cuba. Ah, ouais. Et ça lui vaudra quelques remontrances de la part de Fidel Castro. Parce que Camilo était aussi un personnage non-conformiste, amateur de farces et de plaisanteries et dévorant la vie à grande lampée de Rome. Ah ouais. Quoi, c'est un noceur ? Ah non, non, ce serait trop réducteur. Mais Cienfuegos, c'est vrai, ne transpirait ni l'ennui ni l'amorosité. Et j'ajoute naturellement que son caractère joyeux et exubérant lui valait d'être très populaire, non seulement auprès des hommes qu'il commandait, mais aussi du peuple qui l'adulait. Alors, venons-en tout de suite à la question qui fâche. Est-ce que cette popularité faisait de l'ombre aux autres ? Aux autres dirigeants, vous voulez dire ? Oui. Bon, certainement. Pour simplifier, disons que les chefs de la révolution qui a chassé le dictateur Batista de Cuba étaient au nombre de 5. Fidèles, bien entendu. Guevara, l'Argentin, Hubert Matos, Camilo Cienfuegos et Raúl Castro. C'est ce dernier surtout qui jalouse d'emblée Camilo, d'autant que ce n'est guère un joyeux luron. Ouais, et puis que le physique plutôt malingre de Raúl n'a rien à voir avec celui de Cienfuegos, hein, enfin tel que vous me l'avez décrit. Hein. Bon, en outre, et c'est plus sérieux, il existera très vite des divergences idéologiques entre les deux hommes. Enfin, n'allons pas trop vite. Hein. Le contraire serait étonnant. Hein. Je ne relève pas. Alors, d'où vient Cienfuegos ? Le futur guerrillero est né au début des années 30, dans une modeste famille d'émigrés espagnols. Son père était tailleur, je crois, et sa mère effectuait des travaux de couture à domicile. Ils vivaient avec leurs 3 enfants dans une cabane qui ne comportait qu'une seule pièce. Camilo fréquente avec succès l'école primaire, puis supérieure, et se passionne pour le sport, le baseball en particulier. Précision importante. Le garçon baigne dans un milieu familial de gauche, car son père est un syndicaliste opposé à la dictature de Batista. En tout cas, bon, jusqu'ici, rien d'exceptionnel. C'est juste. Hein. À cause de la pauvreté des siens, Camilo ne peut poursuivre ses études et entre rapidement dans le monde du travail. Il est par exemple vendeur dans un magasin de tissus où son bagou et sa bonne humeur font merveille. Mais cette vie tranquille ne lui suffit pas. En 1953, il décide de partir à l'aventure aux États-Unis. C'est le rêve ? Ouais, ou le mirage. Car ses débuts là-bas ne sont guère enchanteurs, d'autant que les services de l'immigration ne sont pas très tendres avec les latinos, comme on les appelle, en situation irrégulière. Il exerce donc plusieurs petits boulots, mais fréquente surtout le milieu des Cubains en exil où se trouvent beaucoup d'opposants à Batista. On y parle alors d'un événement qui a fait sensation dans l'île. L'attaque menée le 26 juillet 1953 par 150 combattants contre la forteresse de Moncada. Un assaut qui se traduit par un échec. Et la mort d'une bonne moitié des assaillants. Oui. Mais leur chef, un certain Fidel Castro, a été capturé vivant. Et il va faire de son procès une véhémente tribune politique contre le régime. Et ça, c'est un événement fondateur. Oui, oui, car il va donner naissance à la création du M26, le mouvement du 26 juillet, qui constitue l'amorce de la future révolution cubaine. Cienfuegos, alors, lui, a suivi cela à distance. Et certainement avec enthousiasme. D'ailleurs, comme il en a assez de végéter aux États-Unis, il ne tarde pas à regagner son île. Que va-t-il faire alors? Il reprend son métier de vendeur. Mais déjà, c'est la lutte politique qui l'accapare. Et il rejoint un mouvement d'opposition. Blessé par balle au cours d'une manifestation, il est désormais fiché par la police en tant que communiste. Ce qu'il est, un communiste ? Non, mais pour la police de Batista, tous les révolutionnaires sont qualifiés ainsi. En tout cas, ça le pousse à repartir aux États-Unis, d'où il est expulsé. On le retrouve ensuite au Costa Rica, puis au Mexique, où il va enfin réaliser son rêve. Rencontrer Fidel Castro. Après l'aventure de la Moncada le 26 juillet, Castro a pourtant été emprisonné. Non ? Certes, mais après 3 ans de détention, Batista l'a autorisé à émigrer au Mexique. Et c'est là que le futur leader Maximo va créer ce M26 dont je vous ai parlé. Bon, autant qu'on puisse le savoir, là, comment ça se passe entre les deux hommes là ? Exactement, je ne sais pas. Mais Cienfuegos, c'est aussitôt associé à la deuxième tentative révolutionnaire de Castro. Un débarquement de quelques dizaines d'hommes à partir d'un rafio dont le nom deviendra célèbre et même emblématique, le Granma. L'aventure est désastreuse. De nombreux occupants du bateau vont être tués, car manifestement, ils sont attendus par l'armée. Et les survivants, une vingtaine, ne doivent leur salut qu'à des rebelles qui sont descendus de leur montagne pour venir à leur secours. Et Castro et Cienfuegos figure parmi ses rescapés, naturellement. Oui. Ça signifie, en tout cas, qu'il existait déjà une guérilla, alors, avant le débarquement de Castro et des siens. Dans la Sierra Maestra, c'est-à-dire dans la longue chaîne de montagnes qui domine Santiago de Cuba, à l'est de l'île. Une région très peu accessible que rejoint Castro. Car chez lui, il y a l'idée que la révolution doit descendre de la montagne. Cependant, il faut le dire tout de suite, ça ne se passe pas très bien entre ces rebelles déjà installés dans la Sierra Maestra et les nouveaux venus. Et pourquoi alors ? Bon, essentiellement parce que Castro entend commander et ne veut pas se contenter d'être le chef militaire de la guérilla. Ah oui, il veut aussi la diriger politiquement. C'est ça. Et on s'interrogera longtemps sur la mort de celui qui lui conteste cette autorité, Frank Pais. Il faut expliquer ça. Pais, abattu dans une rue de Santiago en juillet 1957, a sans doute été donné. Par qui ? Pas par Castro, quand même. On n'en a jamais apporté la preuve, mais c'est vrai que cette disparition lui donne le champ libre pour prendre la direction du mouvement. Au reste, il faut constater que Pais avait peut-être lui-même trahi, en tout cas aux yeux de Castro. Il avait en effet pris contact avec un émissaire de la CIA. La CIA qui jouait d'ailleurs sans doute un double jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? À Washington, on avait officiellement décidé d'aider Batista menacé par la guérilla. Mais en même temps, on avait très envie de se débarrasser d'un dictateur dont la corruption devenait de plus en plus gênante. Il y avait toutes ces accointances avec la pègre nord-américaine. La Havane était devenue un immense lupanar, maison de jeu, bordel, et j'en passe. Ouais. D'où la tentation de donner un coup de main discret aux guerrieros. C'est certain. Et Cienfuegos, lui, alors ? Courageux et même téméraire, c'est un chef né. Et Castro lui confie bientôt la responsabilité d'une colonne de rebelles, tandis que Guevara lui commande la colonne numéro 4. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Régine Deforge a consacré en 1999 un livre à Cienfuegos qu'elle a tout simplement intitulé Camilo. L'écrivaine, manifestement séduite par le maquisard et même virtuellement amoureuse, l'évoque ainsi en feuilletant un album de photos. À chaque page, la jeunesse de Camilo éclate, insolente, forgée par la joie de vivre, un cigare presque toujours aux lèvres, des lèvres belles, sensuelles, que l'on devine douces et qui appellent morsure autant que baiser. La beauté de ses fines et longues mains frappe, elle aussi. Ce ne sont pas celles d'un ouvrier ou d'un paysan, mais de celles qui sont faites à la fois pour les caresses et pour tenir avec fermeté un fusil mitrailleur. Le cadran de sa montre est tourné vers l'intérieur du poignet comme pour ignorer le temps qui passe. Avec son copain et chef, Ernesto Guevara, il aime rire. Le Che sourit aux boutades de l'enfant de la Havane. De lui, il accepte les saillies, les réparties abruptes, voire les plaisanteries douteuses. Entre les deux hommes règne une profonde complicité fondée sur une parfaite compréhension par le respect et l'amitié. Et le froid argentin de s'humaniser au contact du Cubain gouailleur. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont victorieux et l'avenir est à eux. Le livre de Régine Deforge a été publié chez Fayard puis au Livre de Poche. Vous parlez de colonnes de rebelles. Hein, mais c'est donc une petite armée qui opère dans la Sierra Maestra. Armée, c'est un bien grand mot. Un an après le débarquement de Castro, les guerrilleros ne rassemblent tout au plus que 300 hommes. Et il est vrai que dans ces régions qu'ils contrôlent, ces rebelles sont comme chez eux. Dans sa zone, le Che dispose par exemple d'une école, d'un hôpital et même d'une prison. Ça, c'est moins enthousiasmant. Oui, vous avez raison. Mais ça s'explique très bien. Dans cette micro-république des Barbudos, Castro et le Che font régner une discipline de fer. Et les sanctions, parfois même les condamnations à mort, pleuvent pour tous ceux qui n'acceptent pas la règle de cette vie quasi-monastique. En outre, les guerrilleros doivent aider les paysans de la région. Par exemple, lors de la récolte du café. Ah oui, ça c'est psychologiquement et politiquement important. Bien sûr, parce qu'ils peuvent vivre dans cette région montagneuse comme des poissons dans l'eau, pour reprendre l'expression de Mao. Et cette vie sévère, hein, convient au joyeux drink Cienfuegos ? Il faut croire qu'il s'en est accommodé. Puis au maquis, il y a aussi les combattantes. Ah oui, les combattants, je comprends mieux. Autre point à signaler et qui aura plus tard une grande importance. Castro, qui a déjà tendance à tout diriger, doit parfois écouter ses compagnons. Guevara, Cienfuegos, qui sont tous deux des guerrilleros avisés, mais aussi un autre pilier de la révolution, Hubert Matos. Un mot alors peut-être sur celui-là. Matos, de 10 ans plus vieux que Castro, est appelé le professeur. Pourquoi le... Parce qu'il a été autrefois instituteur avant de devenir un petit producteur de riz. C'est sur ces terres que les premiers éléments du M26 se sont entraînés. Matos est un intellectuel honnête, courageux, mais excessivement têtu. Et surtout, il n'est guère impressionné par les grands airs de chef que se donne volontiers Castro. Mauvais point, là. Hein. Ah, certainement. Mais Fidel doit supporter son compagnonnage. Non seulement parce que Matos est lui aussi adulé par les hommes de la colonne qu'il dirige, mais parce que c'est également un fin tacticien. Cependant, Castro essaiera au moins une fois de l'éloigner en lui confiant une mission très risquée. L'achat d'armes au Costa Rica et leur acheminement par avion jusque dans la zone contrôlée par la guérilla, après un atterrissage très périlleux sur un terrain choisi par Fidel, et qui n'était pas celui qu'il avait lui-même désigné. Ah oui, ça c'est... À son retour, Matos a alors eu l'impression, enfin une impression qui ne le quittera plus, que Castro n'aurait pas été fâché de ne pas le revoir vivant. Oui, mais là encore une fois, pas vraiment de preuves. Non, non. Mais ensuite, alors que Fidel le sollicitait pour effectuer un nouveau voyage, Matos a refusé, en arguant qu'il préférait combattre dans la Sierra. Quoi qu'il en soit, grâce en particulier à ces précieuses armes convoyées par Matos en 1958, la guérilla marque des points, tandis que le régime de Batista commence à battre de l'aile et que le lâchage du dictateur par Washington devient de plus en plus évident. La Maison-Blanche a par exemple décidé un embargo des armes à destination de Cuba. Mais Batista est donc déjà condamné. Ce n'est pas si clair que cela. Car à Washington, il y a des pros et des anti-Batista qui se bagarrent. Sans compter que Cosa Nostra pèse aussi de tout son poids. Ouais, car la mafia détient beaucoup d'intérêt à Cuba. Hein. Et la pègre qui jouera le rôle qu'on sait dans l'élection de Kennedy en 1960 ne sera pas étrangère à la détérioration des rapports entre les États-Unis et Cuba. Enfin là, je m'éloigne un peu. Mais... En même temps, en cette année 58, Castro peaufine son image. Dans les interviews qu'il donne aux journalistes américains dans son repère de la Sierra Maestra, il se présente comme un authentique démocrate et surtout pas comme un ennemi des États-Unis. Et là, on touche un point essentiel. Hein. Castro a toujours prétendu qu'il n'était pas communiste au début de la Révolution, mais que c'est l'hostilité progressive des Américains qui l'avait précipité dans le camp de l'Est. Je sais, bon, l'argument a beaucoup servi. Alors, quelle est la vérité? Fidel, personnellement, n'était pas encore inféodé au communisme, ce qui n'était pas le cas de son frère Raoul, et d'un certain nombre de ses compagnons, parmi lesquels il y avait probablement un ou plusieurs agents du KGB. Enfin, si vous voulez vraiment le fond de ma pensée, je crois que Castro était surtout attaché à la prise du pouvoir. Et si pour arriver à ce résultat et demeurer ensuite le numéro un à Cuba, fallait donner des gages à Moscou. Et Fidel y était tout prêt. Opportuniste donc, avant d'être idéologue. Je le pense, oui. Et ensuite, il a suivi une pente presque naturelle. En tout cas, alors même qu'il essaie de rassurer l'opinion américaine, il donne toujours, en 1958, des signes évidents de son appétit pour le pouvoir. En mai, lui et son demi-frère Raoul mettent en œuvre un véritable putsch à l'intérieur de la guérilla pour éliminer les éléments les plus modérés. Ce qui, alors, doit renforcer l'influence des communistes. Ah, naturellement. Ouais. Et en août, profitant des atermoiements de la Maison-Blanche, qui ne sait pas trop sur quel pied danser, Castro lance l'offensive générale. Et quel est son plan, alors? Il veut couper l'île en deux, puis s'attaquer à Santiago. Ainsi, pense-t-il, Batista ne pourra pas envoyer de renfort de troupes à l'Est. Ouais, c'est-à-dire vers Santiago. Ouais. Et ensuite, il s'occupera de la Havane, j'imagine. Hein, il lui faudra aussi, sinon neutraliser, du moins s'assurer de la coopération d'une autre guérilla anti-Batista qui occupe la Sierra de l'Escambré à 300 km de la Havane. Encore une guérilla? En effet, cette rébellion beaucoup plus modérée est dirigée par un aventurier américain, William Morgan, dont Castro ne tardera pas à se débarrasser une fois arrivé au pouvoir. Castro prétextera un prétendu complot anti-révolutionnaire pour arriver à ses fins, mais c'est une autre histoire. Oui, d'accord. Et alors, mais sur le plan militaire, là, comment se présente la situation alors que l'offensive est Elle évolue très favorablement pour les castristes, comme on les nomme désormais. En octobre, Guevara et Cienfuegos font de véritables miracles. Malgré une incontestable infériorité en nombre, ils bousculent l'armée de Batista, qui se délite et parfois même fait cause commune avec les rebelles. Et ils finissent par encercler Santiago. Mais il faut dire qu'ils ont bénéficié de deux éléments favorables. Un cyclone, d'abord, qui a cloué les soldats dans leurs casernes, et ensuite une aide qui est venue directement des États-Unis. Et qui, là? La CIA, le double jeu, toujours. Son patron de l'époque, Allen Dulles, l'homme qui, pourtant, planifiera plus tard la désastreuse équipée de la baie des Cochons, fait parvenir à Raoul Castro des équipements de communication et même de l'argent liquide. Ah, c'est en effet surprenant, hein? Et dès le jour de Noël, les guerrieros sont maîtres de la moitié de l'île. Le gouverneur de l'Est propose alors un accord aux guerrieros. Mais Castro, qui sent désormais que la victoire totale est au bout du fusil, refuse. Il a raison. Oui, car une semaine plus tard, Batista fuit sa capitale sur laquelle fondent aussitôt les combattants de Guevara et Cienfuegos. Et les deux héros sont accueillis par une foule en liesse. Il faut noter que malgré les chiffres exagérément grossis par le nouveau pouvoir, les combats de la révolution n'ont pas provoqué une hécatombe, ni dans les rangs de l'armée, ni dans ceux de la guérilla. Les gens les plus sérieux estiment qu'en 8 ans, 1800 personnes ont perdu la vie. C'est toujours 1800 de trop, hein? Oui, certes, mais Fidel lui a parlé de 20 000 morts. En tout cas, ouais. On exagère toujours un peu après. En tout cas, le plus dur reste peut-être à faire, à gouverner. Hein. Et comme trop souvent dans l'histoire, la révolution va rapidement commencer à dévorer ses enfants. Thank you. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Dès son arrivée à La Havane le 8 janvier 1959, une semaine après celle du Che et de Cienfuegos, Castro prononce un de ses longs discours qui seront désormais sa marque. Alain Amar, auteur d'un ouvrage intitulé « Le jour où Castro a pris le pouvoir », le décrit ainsi. Cienfuegos, coiffé de son large chapeau, est à ses côtés sur le podium. Il sourit et applaudit à tout rompre. La magie de Fidel agite aussi sur lui. Castro s'interrompt et lève les yeux au ciel comme s'il attendait un signe divin. Semblable à un prêcheur, il se met à parler plus bas, à presque chuchoter. Et la foule fait silence pour ne manquer aucun mot de ce nouvel oracle. En habile comédien qui sent que sa gestuelle fonctionne à merveille, il alterne chuchotements et phrases scandées à tue-tête qui embrasent l'assistant. Au moment où il redresse la tête, plusieurs colombes blanches surgissent autour de lui, virevoltent quelques secondes au-dessus de sa tête tandis que l'une d'entre elles se pose sur son épaule. L'instant est magique, miraculeux. Les milliers de pères dieux qui fixent la scène n'en reviennent pas. Cet homme est un envoyé de Dieu. La foule est hypnotisée, médusée, fascinée par ce barbu qui parle comme un Christ. Cienfuegos a reculé, un sourire aux lèvres. Tout près de lui, un colombophile agite un leurre pour orienter les volatiles. Mais personne ne s'est aperçu de la supercherie. Le livre d'Amar est paru au Seuil. Politiquement, les débuts du castrisme sont plutôt habiles car les nouveaux dirigeants ont pris soin de nommer un président de la République très consensuel. Oui, un modéré qu'on a placé là d'abord pour rassurer. Ouais. Et dans cette mesure, il remplit bien son rôle puisque les États-Unis ne tardent pas à reconnaître le nouveau régime. Et Cienfuegos, hein, que devient-il lui? Ah ben, il accède au rang de chef d'état-major de l'armée. C'est un poste prestigieux. Hein. Oui, mais Raoul Castro est peu après nommé commandant en chef. Alors, Il y a donc deux têtes au sommet de l'armée? Je n'ai pas sans poser des problèmes car les deux hommes ne s'apprécient guère. Une inimitié qui se manifeste très vite. Cienfuegos n'approuve pas les excès des tribunaux révolutionnaires. Alors que Raoul, lui, les encourage. Oui, ça, il faut que des têtes tombent pour en quelque sorte sanctifier la révolution dans le sang. Or, Cienfuegos se refuse à faire fusiller les anciens militaires qu'il a simplement mis à la retraite d'office. Mais pour Raoul et son frère fidèle, naturellement, la punition n'est pas suffisante. Il faut venger les martyrs de la Révolution. La conséquence, c'est qu'en dépit de son statut de héros, le bouillant Cienfuegos est peu à peu mis à l'écart. Pas assez politique hein, pour les Castro. C'est ça. D'ailleurs, Fidel le confiera sans embâge à Hubert Matos. Ah bah, et lui, Matos. Alors. Bah, comme son ami Cienfuegos, il commence à nourrir des doutes au fur et à mesure que le despotisme de Fidel gagne en importance et en brutalité. En même temps, les deux Barbados réalisent que le régime accentue son côté policier. Il faut désormais se garder d'exprimer ouvertement ses critiques. Bref, la révolution a perdu en spontanéité et en allégresse ce qu'elle a gagné en méfiance et en mouchardage. Et sur le plan politique, ça se traduit par un renforcement du pouvoir personnel de Castro. Comment procède-t-il alors? Ah ben son coup de maître, c'est en juillet 1959. Sa vraie fausse démission du poste de Premier ministre qu'il s'est accordé. Aussitôt, le peuple manifeste en masse et lui demande de reprendre sa démission. Un vrai plébiscite. Mais le processus a été habilement préparé. Et Cienfuegos a joué un rôle important dans cette manipulation en rameutant les villageois des campagnes. Il n'est donc pas aussi éloigné du pouvoir que vous le disiez. Non, car Fidel a encore besoin de sa popularité. Ça ne pourra pas durer très longtemps et les événements vont se précipiter. Il est en effet clair que Raoul, la chinoise rouge, veut se débarrasser de lui. Comme vous avez dit, la chinoise rouge? Oui, c'est le surnom que lui ont donné ses compagnons d'armes. Autant pour rallier ses supposées orientations sexuelles que son admiration pour le maoïsme. Enfin, passons. Ah oui, quand même. Ah ouais, Cienfuegos, pour son malheur, est aussi mêlé à un épisode trouble de la vie privée du leader Maximo. C'est-à-dire? En février, Fidel s'est entiché d'une jeune américano-allemande, Marita. Mais il l'a assez vite délaissée. Or, en octobre, la jeune femme est retrouvée dans une chambre d'hôtel de La Havane, baignant dans son sang, droguée. Elle a été avortée de force par un médecin proche de Fidel. Eh bien, que vient faire Cienfuegos dans cette lamentable histoire? Il éprouve de la sympathie pour Marita. Il l'aurait fait soigner, aurait même organisé son départ de Cuba pour la Floride. ou entre parenthèses, elle a été ensuite récupérée par la CIA. Alors, vrai ou faux, je ne sais pas. Mais si réellement Camilo Cienfuegos est intervenu, ça n'a pas dû plaire à Fidel. Quoi qu'il en soit, les nuages s'accumulent au-dessus des têtes des deux héros de la Révolution, Huber Matos et Camilo Cienfuegos. Et dans l'ombre, une véritable machination se prépare pour faire en sorte que les deux compagnons se déchirent. Ils se déchirent, à raconter. Matos a déjà pris ses distances. Il désapprouve la réforme agraire telle qu'elle a été mise en œuvre et il critique l'influence grandissante des communistes dans l'entourage de Castro et de Raoul, qui a maintenant tout pouvoir sur l'armée puisqu'il a été nommé ministre de la Défense. Déjà, une première fois, Matos a présenté sa démission de gouverneur de Camagüey, une ville du centre de l'île. Il était en particulier hostile à la répression qui frappait aveuglément ceux qui étaient censés être les ennemis de la Révolution. Oui, mais si je comprends bien, Castro avait refusé cette démission. Oui, en lui promettant que cette phase de répression serait de courte durée. Ce qui n'a pas été le cas. Hein. Donc, fin octobre, Matos annonce à nouveau sa démission. Et cette fois, il n'est pas question qu'il revienne en arrière. Castro est furieux. Oui, parce qu'il a peur que le retrait d'un personnage aussi emblématique n'aboutisse à une scission de l'armée. Aussi, les deux frères Castro, avec l'accord de Guevara, décident d'instruire un vrai procès stalinien contre Matos, accusé de félonie. Mais le clou de l'opération, si j'ose dire, c'est qu'il est demandé à son ami Cienfuegos de reprendre en main la garnison de Camagüey, mais surtout d'arrêter son compagnon d'armes. Alors, réaction de Cienfuegos là. Il est bien sûr déchiré entre l'amitié qu'il éprouve pour Matos et la fidélité qu'il doit à Castro. Mais il y a pire. Les deux frères Castro espèrent secrètement que Matos se rebellera et qu'une confrontation armée éclatera lorsque Cienfuegos viendra l'appréhender. Et il n'en est rien. Non, Matos refuse d'appeler ses hommes, qui lui sont tous très attachés, à prendre les armes. Et résultat, alors ? Cienfuegos, la mort dans l'âme, arrête donc son ami. Mais peu après, il lui propose de l'aider à s'évader. Le remords. Évidemment. Mais Matos, redoutant un piège monté par les Castro, refuse cette solution. Il sera un peu plus tard condamné à 20 ans de détention au terme d'un procès parfaitement inique. Et Cienfuegos, hein ? Il a compris qu'il était lui-même perdu. D'ailleurs, Matos ne s'est pas privé de le lui faire comprendre. Mais oui, mais que peut-il faire alors ? Se sentant en danger, il passe la nuit du 27 octobre dans un hôtel. Puis il retourne à Camagüey pour enquêter personnellement, car il ne croit toujours pas à la trahison de son ami Matos. Puis en fin de journée, il monte dans son avion, un petit Cessna, afin de rejoindre quand même la Havane. Mais il n'y arrivera jamais. Alors, que s'est-il passé ? Officiellement, victime d'un violent orage, le petit appareil s'est abîmé en mer. Un accident, donc. Hein. Mais cette version ne tient pas. Et d'abord parce que nul orage n'a été observé ce soir-là. Alors, votre version, hein ? Ce n'est pas seulement la mienne. Mais elle a été corroborée par les rares témoins, ceux en tout cas qui ont survécu, car beaucoup de ceux qui ont été mêlés à ce drame ont curieusement disparu. Morts ? Et souvent de morts violentes. Alors, voyons dans le détail le déroulement des événements tels qu'on a pu quand même les reconstituer. Quelques minutes après le décollage de l'avion de Camilo Cienfuegos, une alarme est déclenchée sur la principale base aérienne de l'île. Un petit avion venant de Miami serait en train d'incendier des champs de canne à sucre. Une action hostile par conséquent. Aussitôt, un avion de combat décolle. Sa mission, abattre l'intrus. Au même moment, le pilote de l'avion de Cienfuegos reçoit une communication radio en provenance de la tour de contrôle de Camagüey. Là d'où il vient de décoller. Hein. Oui. On lui apprend qu'un appareil serait en perdition au-dessus de la mer. Le pilote de Cienfuegos se détourne donc afin d'essayer de le repérer. Et au lieu de voler vers la Havane, non, il pique en direction de l'océan. En volant à basse altitude, oui. C'est alors qu'il est bombardé par l'avion d'attaque qui a décollé quelques minutes plus tard. Le pilote de ce chasseur l'ayant pris pour l'appareil censé avoir incendié des champs et qui fuirait. Exactement. Oui. Et le petit Cessna touché explose. C'est prouvé ? Des témoins ont vu une boule de feu dans le ciel. Donc l'accident est formellement exclu. Et on est là forcément dans un scénario d'attentat. Une manœuvre parfaitement diabolique et parfaitement orchestrée au sol. D'abord, la fausse information sur l'avion incendiaire, puis celle du prétendu appareil en perdition. Pourtant, je vais tout de même me faire l'avocat du diable. C'est vrai que l'avion de Cienfuegos, comme la plupart des appareils cubains, n'était pas en excellent état et que le révolutionnaire demandait souvent à son pilote de prendre des risques. D'autre part, il aurait pu s'agir d'une série de coïncidences malheureuses. Toutes ces alertes-là, enfin, vous n'y croyez pas. Non, parce qu'il y a la suite. Tous ces gens qui vont être éliminés les uns après les autres. Et ça commence par ces malheureux témoins qui ont vu la boule de feu et qui sont venus spontanément prévenir les autorités. Ils vont tous disparaître. Quant à l'officier de garde à la tour de contrôle de Kamage, il va opportunément se suicider d'une balle dans la tête. Et on ne reverra jamais son registre. C'est-à-dire qu'on fait disparaître, avec la disparition de ce registre, tous les mouvements d'avion du jour. Et il faudra encore parler du commandant chargé de l'enquête. Il sera assassiné et son meurtrier subira ensuite le même sort. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Hein. Au total, on comptera une vingtaine de morts violentes. Personne ne devait plus pouvoir dire que Cienfuegos avait été victime d'un complot ourdi par les maîtres de Cuba, c'est-à-dire les deux frères Castro. Quant aux frères de Camilo Cienfuegos, on lui a rapidement fait avaler la thèse de l'accident en le nommant ministre. Est-ce qu'il a accepté? Je suis heureux de vous le dire. Ouais. En même temps, bien entendu, on a aussitôt célébré le culte du héros disparu. Fidel Castro, les larmes aux yeux, a annoncé lui-même la nouvelle à un peuple bouleversé. Et à chaque 28 octobre, depuis 1959, des enfants jettent des fleurs dans la mer pour rendre hommage à Cienfuegos. Oui. Et la version de l'accident n'a jamais été mise en doute? Oh, il y a eu des rumeurs, naturellement, mais ceux qui savaient la vérité ou avaient des doutes ont trouvé plus prudent de se taire, quand ils n'ont pas été purement et simplement menacés de mort. Une dernière information qui, j'en suis sûr, vous intéressera beaucoup. Un bateau de garde-côte a été envoyé sur les lieux présumés de l'accident. À son bord se trouvait un certain capitaine Torres, un proche de Raúl Castro. Mais il y avait aussi un nommé Osvaldo Sanchez, l'homme du KGB au sein des services secrets cubains. Et plutôt que de repêcher d'éventuels vestiges du crash, ces hommes se sont surtout préoccupés d'éliminer toute trace qui aurait pu accréditer la thèse du bombardement. Alors, parmi les cinq têtes de la Révolution, il ne restait donc plus que les Castro et Guevara. Mais le Che, comme vous le savez, prendra de plus en plus de distance avec Cuba. Et il finira par être assassiné, sans doute victime d'une trahison du Parti communiste bolivien. L'épisode de la mort de Cienfuegos et de la mystérieuse épidémie de morts étranges qui a suivi est raconté avec un luxe de détails dans le très bon ouvrage de Serge Raffi, Castro, l'infidèle, un livre publié par Fayard en 2003. Autre ouvrage, Cuba Nostra, les secrets d'État de Fidel Castro, édité par Plomb. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et la podcaster. Et puis, vous pourrez aussi obtenir des renseignements tant bibliographiques que musicographiques. Et je vous rappelle aussi que le dernier opus des Rendez-vous avec X vient de paraître. Il est coédité par France Inter. Merci à Valérie Ayestaraï, Stéphane Combe, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et maintenant, on respire comme d'habitude après le flash CO2 Mon Amour de Denis Chessou.